Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. Gouverner, une nuit d'archives sur le thème des rendez-vous de l'histoire de Blois 2020. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Nuits de France Culture. Qui, mieux qu'une personnalité ayant occupé de hautes responsabilités gouvernementales, pouvait lancer cette nuit construite autour du thème « Gouverner » thème qui est cette année celui des rendez-vous de l'histoire de Blois. Pour éclairer de sa propre expérience ce mot « gouverner » autour duquel tourneront les archives du programme de notre nuit, qui mieux qu'un homme d'État, une femme d'État peut-être, rétorqueront certains et certaines. Certes, mais admettons qu'au rayon homme d'État, les femmes brillent encore par leur rareté dans notre pays. C'est donc bien en compagnie d'un homme d'État que nous ouvrirons cette émission. Par chance, avec l'un de ceux dont les qualités et les compétences sont depuis longtemps reconnues, non seulement dans sa famille politique, mais par beaucoup aussi de ses adversaires sur la gauche de l'échiquier politique. Un échiquier qui a d'ailleurs été pas mal secoué depuis l'époque où il fit son entrée dans la carrière. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir, merci de m'accueillir. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre proposition de partager cette nuit gouvernée. Vous avez publié en septembre « Mon Chirac », sous-titré « Une amitié singulière », un livre dont vous aviez commencé la rédaction avant la disparition de Jacques Chirac. Un portrait admiratif et affectueux à travers le récit de ce qu'ont été près de 40 années de fidélité et de confiance réciproque, assez rare, insistez-vous, dans le monde politique. On pourrait ajouter « pas seulement dans le monde politique ». J'évoquais la reconnaissance, à droite comme à gauche, dont vous pourriez vous prévaloir. Mais à propos de Jacques Chirac, vers la fin de votre livre, vous posez cette question qui peut surprendre si l'on se reporte à l'historique de sa vie politique. Était-il de droite? Était-il de gauche? Alain Juppé. Bonsoir. Tout dépend du Chirac dont on parle. Je serais presque tenté de dire qu'il a commencé à droite et fini à gauche. C'est un peu simplificateur. Il y a le Chirac des débuts, celui que j'ai connu en 1976, qui était déjà engagé dans la vie politique depuis une bonne dizaine d'années. C'était le chef de parti, c'était le combattant, le chef de guerre presque, engagé dans la conquête du pouvoir. Et c'est à cette époque-là qu'on lui a collé l'étiquette de facho Chirac, dont il a eu beaucoup de mal à se défaire. Et puis, il y a le Chirac de son deuxième mandat présidentiel. Après l'expérience du pouvoir, il a pris de la hauteur, de l'équilibre. Il est surtout soucié de rassembler plutôt que de cliver. Et donc, on pourrait considérer qu'à ce moment-là, il est un peu moins à droite, si ces notions ont encore un sens. Culturellement, je le rappelle, ses origines le situent plutôt au centre, dans ce que j'appellerais le radical socialisme façon grand sud-ouest. Son grand-père était instituteur, c'est hussard noir de la République, et il en a tiré ce caractère profondément républicain qui était surtout sa marque de fabrique. Un radical socialiste, allergique au fanatisme et au sectarisme, est-ce aussi cela qui vous rapprochait ? Une vertu que j'apprécie beaucoup en politique et en dehors de la politique d'ailleurs, et qui n'est pas toujours considérée comme une vertu, c'est la vertu de modération. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un petit livre sur Montesquieu, c'est la raison pour laquelle je voyais récemment que Raymond Aron se qualifiait ou était qualifié de violemment modéré. Voilà, et je crois que c'était ça aussi, Chirac, une espèce de recherche d'équilibre, de compréhension, de respect de la diversité aussi. C'est une des choses qui me tient le plus à cœur dans le domaine de la culture. On a un peu oublié qu'il était à l'origine de cette grande convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Donc c'était ça. C'est pas tout à fait l'image qu'on a au départ quand on évoque son nom de lui. Droite, gauche, depuis vos débuts en politique, ces notions ont indiscutablement perdu de leur force, de leur charge symbolique. Dans la manière dont s'est recomposée ou décomposée la vie politique, cette opposition gauche-droite dessine-t-elle encore une ligne de partage fondamentale ? Une question difficile. L'histoire n'est plus ce qu'elle était, c'est clair. Lorsqu'il y avait le camp de la liberté et puis le camp de l'oppression, voilà, la droite se situait plutôt vers l'Occident et la gauche vers l'Union soviétique, jusqu'à ce qu'on sonne la fin de l'histoire. depuis, on a enregistré la fin de l'histoire. Ça, c'est une autre chose. Donc ce n'est plus ce clivage idéologique très très fort que nous avons pu connaître. Mais je pense quand même que ces deux notions n'ont pas complètement disparu. Les hommes de gauche et les hommes de droite n'ont pas la même histoire, n'ont pas la même culture. Je serais presque tenté de dire n'ont pas les mêmes héros. J'ai cité Montesquieu et Aron, je pourrais mettre Tocqueville entre les deux. C'est pas tout à fait le panthéon des hommes de gauche. Et au fond, quand même, sans trop simplifier, je dirais que à droite, on fait davantage confiance à la liberté individuelle et à gauche, davantage à la solidarité collective. Ce qui ne veut pas dire que les hommes de droite n'ont pas des préoccupations sociales et que les hommes de gauche ne croient pas à la liberté. Donc tout ça est un peu complexe, mais je pense quand même que ça reste une ligne de partage. Comme Charles de Gaulle, qui à 15 ans se voyait déjà général sauvant la France, ou comme François Mitterrand, qui dès ses tendres années s'imaginait président, enfant, adolescent, le jeune Alain Juppé rêvait-il déjà de gouverner son pays ? Non, à 5-6 ans, même un petit peu plus tard, ou sans doute vers 10 ans, je rêvais d'être pape. Oui, alors c'était une façon d'accéder au pouvoir aussi, mais j'étais enfant de cœur, je le suis resté très longtemps, jusqu'à 13 ou 14 ans. J'étais très présent dans le presbytère de mon église, à Mont-de-Marsan, à l'église de la Madeleine. Donc voilà, oui, j'avais déjà une forme d'ambition, ça m'a passé, hein, pour être pape. Vous ne vous êtes d'ailleurs pas jeté immédiatement à corps perdu dans la vie politique, Alain Juppé. Non, je me suis engagé relativement tard en politique, en 76 en fait, donc j'avais déjà 31 ans, c'est pas le grand âge, mais beaucoup de mes camarades sont parti en politique beaucoup plus tôt. Je n'ai pas, quand j'étais étudiant, milité dans un syndicat. À l'école normale, j'ai essayé de me prémunir contre la doxa dominante, qui était l'althusserisme. Donc, j'étais plutôt proche des cathos, comme on disait, les talas. Mais voilà, je n'avais pas d'engagement, j'avais pas de carte de parti, même si j'avais quelques idées, et même si je me serais défini à l'époque comme gaulliste. Ça a changé en 1976, où là, je sautais, si je veux dire, dans le marigot. Nous sommes au début de l'automne 2020. La pandémie qui frappe tous les pays, tous les peuples de la planète, depuis des mois, sévit toujours. Un séisme de force 10 sur l'échelle des catastrophes naturelles, écrivez-vous. Dans un moment comme celui que nous traversons, et pour les mois, les années qui vont suivre, quel sens prend le mot « gouverner » ou plutôt quel sens espérez-vous qu'il aura pour ceux qui, en France et ailleurs, sont en charge de gouverner ? Je ne les envie pas, car gouverner aujourd'hui, pour des tas de raisons, est peut-être plus difficile que ça ne l'a été dans le passé. Vous évoquez la pandémie. Il y a une définition simple de gouverner, c'est prévoir. On connaît tous cette formule. Comment prévoir l'imprévisible ? La pandémie était à bien des égards, même si aujourd'hui certains nous expliquent qu'ils l'avaient vu venir. C'est l'imprévisible. On est encore dans une imprévisibilité sur le vaccin, sur les traitements, sur la façon dont cette pandémie peut disparaître ou au contraire ressurgir sous d'autres formes. Et donc, l'art de gouverner est dans un tel contexte particulièrement difficile. Gouverner, c'est aussi un arbitrage permanent entre court terme et long terme, et moyen terme. Et ce qu'on reproche souvent aux hommes politiques, c'est d'avoir le nez dans le guidon sur les décisions immédiates à prendre sans anticiper l'avenir. Alors est-ce que le haut commissariat au plan qu'on vient de ressusciter nous permettra de nous projeter sur le long terme ? C'est peut-être sa vocation. Il y a aussi beaucoup d'autres aspects dans la difficulté du gouvernement aujourd'hui. C'est qu'il faut à la fois écouter et décider. On voit bien que la démocratie représentative est en crise. Pour une raison très profonde, hein, que je lis, moi, à l'élévation du niveau de formation et d'information de nos concitoyens. C'était facile quand on pouvait imposer des décisions un peu à l'emporte-pièce. Aujourd'hui, le citoyen veut comprendre, il pense qu'il est en capacité de comprendre. Il y a cette issue des réseaux sociaux qui lui diffuse dans l'immédiat des informations vraies ou fausses. Et donc ce besoin de démocratie participative qui n'est pas tout à fait nouveau. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs. Quand je me suis engagé en politique, j'étais délégué national aux études du RPR. C'était en 76. Et j'animais des groupes de travail, on éditait des petits fascicules. Et l'un de ces fascicules s'appelait « La démocratie du quotidien ». Déjà, cette idée que, comme dit Rosan Vallon, à la démocratie d'autorisation, qui consiste à désigner des représentants pour exercer le pouvoir à votre place pendant la durée du mandat, eh bien, se substitue ou ne se substitue pas, mais s'ajoute la démocratie d'exercice qui veut que le citoyen continue à participer à la décision. Et ça, c'est évidemment un défi pour ceux qui gouvernent. On arrive à gérer à peu près la chose au niveau local. On a su développer toutes sortes de mécanismes de concertation, conseil de quartier, commission permanente parfois tirée au sort, budget participatif, etc. On voit bien aujourd'hui que c'est beaucoup plus difficile à faire émerger au niveau national. Donc ça, c'est la deuxième dimension de la difficulté de gouverner aujourd'hui, parce que les Français veulent être écoutés, mais veulent aussi de l'autorité. On le voit bien aussi ici, en ce moment, sur la question des fonctions régaliennes de l'État. Vous voyez, cette conciliation entre l'écoute et la décision, c'est aussi un élément difficile de l'art de gouverner. Pourquoi est-ce qu'on se lance en politique ? On peut se le demander. Certains qui ont de la vie politique une image très négative se le demandent aussi. Il y a l'ambition, bien sûr. Il y a forcément beaucoup d'ego chez tout homme politique. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que j'en découvre aussi beaucoup chez les épidémiologistes. Ils ont aussi un ego très développé. Bon, il y a l'ambition personnelle, et c'est un peu normal. Bon, quand on veut faire quelque chose, on a envie de réussir dans tous les métiers. Il y a aussi, et je l'écris dans mon livre, parce que c'est quelque chose que je crois avoir eu assez profondément en commun avec Jacques Chirac, et qui peut paraître naïf ou même pas très authentique, mais c'est l'idée qu'on peut améliorer la situation, qu'on peut apporter du mieux à la vie de ses concitoyens, que ce soit dans une ville ou que ce soit dans un pays. Donc il y a une forme d'idéalisme aussi qu'on rencontre à tous les niveaux. On évoque souvent la fonction de Premier ministre, Matignon, comme un enfer. Vous écrivez que ce n'est pas comme cela que vous l'avez vécu lorsque vous avez occupé cette fonction de 1995 à 1997, Alain Juppé. Ça m'amuse beaucoup cette expression « l'enfer de Matignon », qui est le titre d'un excellent livre par ailleurs, parce que, sauf rarissime exception, je ne connais personne qui quitte Matignon de son plein gré. Donc c'est que les titulaires doivent y trouver un intérêt. C'est difficile, c'est une charge de travail considérable, c'est la nécessité de prendre des décisions plusieurs fois par jour, mais en même temps, c'est là où ça se passe. C'est le lieu où on a l'impression de tenir véritablement la barre, et quand on a le goût, non pas du pouvoir, mais en tout cas de la décision, je pense qu'il n'y a pas de fonction gouvernementale plus excitante que celle-là. Le président est un peu protégé, lui, dans son Élysée. Le Premier ministre, il est en première ligne, au charbon, les mains dans le cambouis, comme on le dit souvent. Et il faut aimer ça. Moi, j'avoue que j'ai aimé ça et je n'ai pas été malheureux à Matignon, malgré les manifestations de rue, et bien que les manifestations en question brûlassent, mon effigie en place publique, notamment à Bordeaux. À plusieurs reprises, dans votre livre, vous insistez sur l'importance du travail d'équipe dans l'exercice du pouvoir, sur l'importance de la qualité des collaborateurs dont choisissent de s'entourer les ministres, le Premier ministre et le Président, en ne manquant pas de rendre hommage à ceux avec lesquels vous avez travaillé quand vous étiez Premier ministre ou ministre. C'est indispensable. Un président de la République, un premier ministre, un ministre, c'est le cas, j'imagine, des grands chefs d'entreprise ou de tous ceux qui exercent des responsabilités, ne peuvent pas agir seul. Il a besoin d'une équipe qui l'entoure, qui lui prépare la décision, qui ensuite veille à ce qu'elle soit exécutée. Donc les fonctions d'un cabinet, quand on est au gouvernement, au pouvoir ou dans un ministère, est absolument essentielle. Et je dois dire que j'ai toujours été impressionné par le dévouement des jeunes, ce qui pose peut-être d'ailleurs un petit problème, des jeunes conseillers de cabinet qui passent des journées et des nuits entières à se défoncer pour préparer leur dossier. Donc c'est vraiment une tâche extrêmement exigeante. Précisément, on y fait venir des jeunes gens ou des jeunes filles qui ont envie de réussir, qui se disent « passer dans un cabinet ministériel, c'est bon pour ma carrière ». On manque peut-être de sages dans les cabinets ministériels. Et Jacques Chirac avait cette préoccupation, il avait toujours auprès de lui un conseiller plus ou moins dans l'ombre, mais qui avait blanchi sous l'harnois, si je puis dire, qui connaissait bien la vie politique et la vie tout court, et qui lui donnait des conseils précieux. Il avait aussi l'habitude, dans les moments difficiles, de téléphoner en Corrèze. Il avait le réseau de ses amis, des maires des petites communes et il appelait un tel, qu'est-ce que tu penses de ceci, qu'est-ce que tu penses de cela, et il en tenait le plus grand compte. Et je crois que c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, puisqu'on reproche aux hommes politiques d'être hors sol, c'est cette capacité à s'enraciner et à garder le contact avec les gens, comme on dit. Accéder à de hautes fonctions gouvernementales, c'est s'exposer à la caricature, à la guignolisation, c'est une chose, mais surtout à être la cible toute trouvée des ressentiments, souvent l'objet de tous les soupçons, voire de haines irrationnelles. Cela n'est certes pas nouveau, mais cela n'a-t-il pas tendance à s'aggraver d'année en année, Alain Juppé ? Écoutez, moi j'ai toujours tendance à relativiser les choses. Regardez ce qui se passait dans les débuts du siècle dernier. L'antiparlementarisme était extraordinairement violent. Les pamphlets pendant la scandale de Panama, je pourrais en évoquer d'autres, les pamphlets de Maurras de l'Action française contre le monde parlementaire et contre le monde de la République étaient d'une violence extrême. Donc ça n'a pas fondamentalement changé. Le pouvoir attire la jalousie, parfois la haine, l'incompréhension. Ce qui a changé, évidemment, et ça c'est une révolution qui m'inquiète, je dois le dire, c'est la présence constante et universelle des réseaux sociaux, avec deux défauts majeurs. Le premier, c'est l'instantanéité. Il faut répondre tout de suite. Si vous ne répondez pas tout de suite à un mail, à un tweet, à un message sur Facebook, vous êtes incompris. Et répondre tout de suite, c'est parfois dangereux. J'aime bien les vieux proverbes. La nuit porte conseil. Mais souvent arrivé de laisser passer une nuit et le lendemain matin, j'avais pas la même réaction que la veille au soir. La première réaction, elle est un peu, comment dire, excessive parfois, superficielle. Et le temps de la réflexion est absolument indispensable et ça, les réseaux sociaux ne s'y prêtent pas. Et puis la deuxième calamité des réseaux sociaux, c'est le mensonge. Je mène un combat très difficile et pour l'instant perdu contre l'invasion des mots anglais dans notre langage quotidien. C'est pour ça que je ne dis pas fake news, je dis mensonge. Mais le complotisme, le mensonge, toutes ces contre-vérités qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est une véritable calamité et ça rend l'art de gouverner encore plus difficile parce qu'on est obligé de répondre ou d'être vigilant sur ce genre de messages. Mais justement, dans un monde plus que jamais globalisé, dans les grands pays industriels dotés d'institutions démocratiques, quelle est la marge de manœuvre des gouvernements, des chefs d'État ? Peuvent-ils encore peser sur le destin de leur pays, que ce soit en matière économique, sociale et peut-être aussi culturelle ? Autrement dit, dans le monde tel qu'il est, qui fait la loi ? L'idée généralement admise, c'est que les hommes politiques n'ont plus de prise sur le réel et n'ont plus de pouvoir de décision. Ça n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr qu'il y a d'autres centres de décision. Bon, je ne vais pas citer les GAFA, les grandes entreprises qui ont parfois des capitalisations boursières supérieures au PIB de beaucoup d'États. Voilà, on pourrait citer aussi bien d'autres exemples de lieux de pouvoir, les organisations internationales, d'une certaine manière aussi, qui dépossèdent parfois les gouvernements nationaux d'une partie de leur pouvoir. Il n'en reste pas moins que les gouvernants peuvent influencer le cours des choses. D'ailleurs, le plus inquiétant, c'est qu'ils peuvent le faire en mal. Ils peuvent prendre de mauvaises décisions. Ils peuvent attiser les conflits, provoquer des guerres, hein, d'une certaine manière. Ça, c'est aussi un pouvoir, hélas, que détiennent beaucoup de dirigeants politiques. On le voit bien. Alors, on peut espérer aussi qu'ils peuvent prendre de bonnes décisions. Je vois aujourd'hui, dans le débat sur le réchauffement climatique, on voit bien l'importance d'avoir des gouvernants qui ont une vision claire et vraie de ce qu'est ce mouvement de réchauffement climatique, plutôt que des négationnistes qui se voilent la face et qui font un déni de réalité. Vous voyez là, le gouvernant peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il semblerait que les Français soient solidement attachés à la fonction de chef d'État, telle que l'a définie la Ve République, comme si nous avions besoin d'une incarnation unique du pouvoir à travers la figure de notre président. Comment expliquer cela, puisqu'après tout, notre pays a longtemps vécu sous des républiques dans lesquelles c'était les chefs de parti qui exerçaient le pouvoir ? Ça s'est mal terminé. Et justement, on a voulu en sortir. L'instabilité ministérielle, on l'a un petit peu oublié, a été une plaie tout au long de la Troisième République et même de la Quatrième. On avait des gouvernants qui restaient au pouvoir quelques semaines. Pierre Mendès-France a une image extraordinaire d'homme d'État. J'ai d'ailleurs pour lui une forme d'admiration. Il est resté au pouvoir quelques semaines. Donc, à cause précisément de cette instabilité ministérielle. Et quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir, ne l'oublions pas, s'il a voulu la Constitution de 1958, c'est précisément pour corriger ce qui avait considérablement affaibli la France, que ce soit avant 1940 ou après. La 4e République, elle a abouti quand même à l'impasse sur la guerre d'Algérie, faute d'une capacité de décision. Donc, je crois que cet effort du général de Gaulle pour donner plus de stabilité à nos élections, à nos institutions, est absolument fondamental. Et les Français sont attachés à l'élection, au suffrage universel du président de la République. D'ailleurs, personne, je ne sais pas si vous le notez, tous ceux qui parlent de la 6e République, personne ou presque personne ne propose de revenir sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République que le général de Gaulle a voulu en 1962. Les Français considèrent cela comme une sorte de droit qu'ils ont acquis. Après, la question se pose de savoir si ce président est tout puissant, s'il concentre tous les pouvoirs, si on a une dérive monarchique du pouvoir. Là, mon statut de membre du Conseil constitutionnel m'empêche de porter des jugements d'actualité. Vous évoquiez les smartphones, les tweets, l'information en continu. Exercer le pouvoir, gouverner, ça ne peut pas se faire toujours en pleine lumière. L'État peut-il avoir encore ses secrets ? Il le faut. Il le faut, et dans l'art de gouverner, le secret est indispensable. Alors, il y a une évidence, lutter contre le terrorisme, ça implique qu'on ait une politique de renseignement qui ne soit pas sur la place publique à tout moment, sinon on en voit bien les conséquences. Mais il y a des décisions aussi qui doivent se préparer, sinon dans le secret, du moins dans la discrétion. Ça, on a beaucoup de mal à le faire comprendre aujourd'hui, parce qu'il y a eu des abus dans l'autre sens. C'est vrai que le pouvoir a eu tendance à cultiver la non-transparence. Il faut de la transparence, mais il faut aussi une certaine discrétion dans l'art de gouverner. De Gaulle l'a très bien dit, je crois, dans une formule plus élégante que celle que je viens d'utiliser. Gouverner, cela passe aussi par la parole, par le verbe. La présidence de Jacques Chirac fut aussi marquée par des discours importants, vous le mentionnez d'ailleurs dans votre livre. Celui qu'il prononça le 16 juillet 1995 en particulier, là où se tenait autrefois le Vélodrome d'hiver, lors des cérémonies commémorant la grande rafle des 16 et 17 juillet 1942, 13 000 hommes et femmes, enfants et vieillards, arrêtés parce que juifs, par des policiers et des gendarmes français, et livrés à la machine d'extermination nazie. On se souvient de ces mots, la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Comment définiriez-vous le sens que donnait alors au mot gouverner Jacques Chirac, président de la République française, en prononçant ce discours ? Ce discours est majeur, non pas tant parce que il dénonçait les crimes du nazisme, l'horreur de la Shoah, ce n'était pas la première fois qu'on le faisait. Il est important parce que c'est la première fois que un gouvernant français, un président de la République, reconnaît la responsabilité de la France contre, il faut bien le noter, ce qui était à l'époque la doxa gaulliste. La doxa gaulliste, c'était que c'était pas la France, c'était Vichy. Et Vichy n'était pas la France. Et Chirac a le courage de dire, alors, sortons de ces distinctions peut-être un petit peu subtiles. Les policiers français, la milice française qui a prêté son concours dans cette rafle et dans l'ensemble des actes perpétrés contre les Juifs en France, c'était les Français. Donc c'est en cela que ce discours a profondément marqué, qu'il a été un acte plus qu'un acte de gouvernement, un acte de reconnaissance qui a été reçu comme tel d'ailleurs par la communauté juive. La France ou l'État français d'alors, la France ou Vichy, pour vous, ce discours du 16 juillet 1995 a-t-il définitivement clos le débat ? Ça dépend ce qu'on entend par là. Clos le débat sur la responsabilité de la France, je crois. Clos le débat sur l'antisémitisme, hélas non, puisqu'on voit bien que ce fléau perdure et que c'est un des combats que Jacques Chirac a poursuivi tout au long de sa vie. Quel qu'ait été parfois les reproches qu'on ait pu lui faire, je parlais tout à l'heure de son image de facho Chirac, il y a un point sur lequel Chirac a été totalement inébranlable tout au long de son parcours politique, c'est la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, et en particulier le refus de toute espèce d'accord ou de combinaison avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, qui lui persévérait dans le négationnisme. La maison brûle et nous regardons ailleurs de cette phrase prononcée par Jacques Chirac en 2002 à Johannesburg lors du sommet mondial sur le développement. Vous écrivez à Alain Juppé qu'elle a marqué les esprits à tout jamais. Pour autant, a-t-elle été suivie d'effets concrets ? Oui, pas assez, puisque la maison brûle toujours. La Californie brûle, le Brésil brûle, la Sibérie brûle. Donc il y avait quelque chose de prémonitoire dans l'avertissement de Jacques Chirac. Mais pour répondre à votre question, il y a eu des suites plus ou moins concrètes. Une suite qui n'a pas été totalement concrète, c'est la dernière initiative de Jacques Chirac à l'Élysée. On l'a un peu oublié, en 2007. Avant de partir, il convoque un sommet de la Terre, auxquels ont participé des top personnalités comme Al Gore, comme Ban Ki-moon et beaucoup d'autres, que j'ai co-animé d'ailleurs avec Hubert Védrine, et dont l'objectif était d'obtenir la création d'une organisation mondiale de l'environnement. On n'y est pas arrivé. Les Américains n'en voulaient pas, et nos partenaires européens freinaient des quatre fers. Mais voilà une initiative qui a suivi ce discours de Johannesburg. Et la deuxième initiative, qui elle a abouti, et qui est majeure, on va s'en rendre compte, on s'en rend compte aujourd'hui, on s'en rendra compte demain plus encore, c'est d'avoir fait inscrire dans la Constitution, non seulement le principe de précaution, mais une charte de l'environnement, qui fait partie du bloc de constitutionnalité depuis 2004-2005, et sur laquelle s'appuie le Conseil constitutionnel pour prendre des décisions. Il en a pris récemment, il en prendra peut-être demain. Donc vous voyez que là, il y a un acte qui a des conséquences juridiques concrètes extrêmement précises. Nous avons commencé cette émission en questionnant le mot « gouverner » au regard de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences pour les années qui viennent. Vous soulignez dans votre livre la manière dont on aura abondamment entendu parler, pendant le confinement surtout, d'un monde d'après où rien ne serait plus comme avant. Vous vous inquiétez, vous, d'entendre nos gouvernements, en Europe comme partout, parler surtout d'un redémarrage de la machine économique. Vous dites que ce « re » vous inquiète. Quand on redémarre un moteur, ça veut dire qu'on garde le moteur et qu'on le fait fonctionner comme il fonctionnait avant. Et je pense que ce serait une erreur dramatique que de repartir exactement comme avant. Je ne suis pas un grand zélateur de la décroissance, et j'ai parfois des conversations un peu difficiles avec mes amis écologistes dans ce domaine, parce que je crois que c'est un mauvais concept. Nous avons besoin d'une certaine forme de croissance, parfois d'une forme de croissance un peu classique. Aller parler de décroissance au fin fond de l'Afrique, là où il faut construire des écoles, des hôpitaux et ainsi de suite, c'est un peu décalé par rapport à la réalité. Et même chez nous, il y a aussi des poches de pauvreté qui ne peuvent être résorbées que par une certaine forme de croissance. L'enjeu, c'est de changer le modèle de la croissance, d'aller vers une croissance qui gâche les ressources rares, vers une croissance qui les économise, vers une croissance sobre, vers une croissance qui généralise le recyclage, vers une économie circulaire. Enfin, on connaît tout cela. Et c'est donc un changement profond, une croissance aussi avec une vision de la consommation qui soit un petit peu différente. On sait très bien que nous avons une tendance à remplacer des objets qui deviennent obsolètes alors qu'on pourrait les conserver encore longtemps. Donc, vous voyez, moi je milite pour une croissance nouvelle, pour inventer une forme de croissance qui nous permette de respecter les ressources naturelles et de respecter aussi la biodiversité qui nous entoure et qui est dans un recul si dramatique. Dans les dernières pages de votre livre, vous présentez la conversion de Jacques Chirac à l'Europe comme l'un de ses plus grands mérites, de s'être engagé comme il l'a fait, sans arrière-pensée, dans la construction européenne, pour l'avènement de la monnaie unique notamment. Vous-même, vous insistez sur la nécessité qu'il y a à ce que l'Europe se donne les moyens de sa puissance, précisant, je vous cite, que la meilleure sauvegarde de notre souveraineté en tant que nation, c'est la souveraineté librement mutualisée dans l'Union. Faire comprendre et admettre cela à leur peuple, est-ce selon vous la mission la plus urgente qui incombe aux dirigeants des pays de l'Union ? C'est une des missions les plus urgentes avec ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le changement de notre modèle de croissance pour préserver les équilibres naturels. Oui, un combat que je mène depuis longtemps dans ma vie politique, c'est le suivant. On a tendance à considérer que les gaullistes étaient anti-européens alors que les centristes étaient pro-européens. Je pense que c'est une mauvaise caricature. Le général de Gaulle, en 58, décide de mettre en application le traité de Rome, qui était, jusqu'à ce qu'il arrive, un document qui n'était pas entré en vigueur. Il le fait contre le patronat de l'époque qui le mettait en garde contre les risques d'une concurrence non encore maîtrisée, en particulier avec l'Allemagne. Il dit « on y va ». Et j'ai vu là, moi, un geste européen extrêmement fort, dont on connaît les suites. De même, Jacques Chirac, alors, je vais parvenir sur ce fameux appel de Cochin, qu'on lui reproche tant, et qui était effectivement une erreur, par la violence des termes utilisés. ciblant d'ailleurs davantage les giscardiens que les européens, il a raconté dans ses mémoires, et je peux porter témoignage que c'est vrai, qu'il était sur son lit de douleur à l'hôpital après son accident en Corrèze, et que donc il a signé un document sans le relire véritablement. Je referme cette parenthèse. Mais si l'on met cela à part, toute sa vie a été un engagement européen, peut-être de raison plus que de cœur ou de passion. Une date importante, 92, c'est le référendum sur le traité de Maastricht, négocié par Kohl et Mitterrand, qui est un acte tout à fait essentiel dans le progrès de la construction européenne, puisque c'est de là que vient la monnaie unique. Les principaux dirigeants de notre formation politique à l'époque, le RPR, enfin certains des hauts dirigeants, étaient contre. Pasqua, Séguin, c'était pas rien. Et la grande majorité, je dois bien le dire, de nos militants. Chirac, avec Balladur et moi, prenons position très fermement pour le oui, et le oui l'a emporté à 51%. Si nous n'avions pas pris cette position, et le 1%, il aurait peut-être basculé de l'autre côté. Donc, pour moi, ça a été un acte fondateur très important qui marque un petit peu la volonté européenne de Jacques Chirac. Deuxième exemple, 95-97. J'ai fait la sale besogne, il faut bien le dire. Quand je suis arrivé, la France n'était pas prête à entrer dans l'euro. Notre déficit, notre dette était au-delà des limites autorisées. Eh bien, nous avons pris des décisions difficile sur la dépense publique, sur la fiscalité, pour nous mettre en conformité avec le traité de Maastricht, si bien que nous sommes entrés dans l'euro à la date prévue. J'ai entendu, je le raconte dans mon livre, ça m'a un peu amusé, M. Macron rendre hommage au ministre des Finances de l'époque, Jean Arthuis, qui était mon ministre des Finances, pour la prouesse que cela a représenté. Je pourrais enfin citer le sommet de Saint-Malo, où Jacques Chirac convainc pour la première fois le Premier ministre britannique qu'il y a place en Europe pour un pôle de sécurité européen qui ne soit pas forcément le pôle américain de l'OTAN. Voilà, sur tous ces actes-là, je pense que Chirac a fait avancer l'Europe. Comment faut-il imaginer ce que serait le gouvernement de cette Europe puissance, le cadre constitutionnel dans lequel s'exercerait le pouvoir politique ? Les pouvoirs dont il disposerait, sa justice, son armée, l'esprit qui régnerait sur ses lois, Alain Juppé. Si je savais répondre à ces questions, voilà, je vaudrais très cher sur le marché européen. Moi, j'ai une seule conviction que je partage avec moi-même depuis longtemps et que j'essaie de faire partager, c'est qu'aujourd'hui, le choix qui est devant nous est très simple. Ou bien nous allons devenir les vassaux des grands empires de demain. L'Amérique, qui est parfois considérée comme affaiblie, mais qui reste la première puissance du monde, économiquement, militairement, peut-être scientifiquement. La Chine, qui veut lui piquer la place, si je puis dire. D'autres empires encore, ou qui rêvent de redevenir des empires. L'empire russe, peut-être l'empire ottoman. Face à ces grands empires, si nous en restons là où nous en sommes, nous serons des vassaux. Donc notre seule perspective, c'est de faire une Europe puissance. J'en parle souvent avec mon ami Hubert Védrine, qui a été ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans, qui est aussi très européen, mais qui est sceptique sur cette capacité à faire l'Europe puissance. Parce que c'est vrai, il me le dit souvent, vous êtes le seul à y croire. Ou la France est à peu près la seule à y croire, puisque M. Macron en parle aussi. C'est un peu vrai, ça fait un peu peur. L'Allemagne, du fait de son histoire récente, de son histoire du XXe siècle, n'aime pas beaucoup le concept de puissance et ce qui va avec en matière de sécurité et de défense. Mais enfin, les choses commencent à bouger là-dessus. Je pense qu'il faut continuer à aller dans cette direction, quelles que soient les réticences, parce que l'Europe n'a jamais été aussi combattue qu'aujourd'hui. Elle est ciblée par les attaques de M. Trump d'un côté, par les attaques de M. Poutine de l'autre, par des divergences internes profondes avec des pays illibéraux qui ne partagent plus en réalité l'essentiel de nos valeurs communes et qui font objet aujourd'hui de dissensions au sein de l'Europe. Donc vous voyez que cette construction est extrêmement fragile et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'hommes et de femmes qui militent pour une Europe puissance. La page de notre site présentant cette nuit gouvernée est illustrée d'une photographie sur laquelle figurent réunis le drapeau français, le drapeau européen et le buste de Marianne. Que faudrait-il, quelles conditions pour que ce qui n'est encore malgré tout qu'une juxtaposition devienne un ensemble aussi indivisible que notre République ? D'abord, il ne faut pas avoir de l'Europe une vision trop pessimiste, elle existe. Il n'y a aucun autre ensemble au monde qui se soit doté d'une monnaie unique. Et je prétends qu'aujourd'hui, c'est une monnaie qui nous protège contre les turbulences économiques qui secouent la planète. D'ailleurs, j'ai observé que beaucoup de partis politiques français qui font campagne contre l'Europe, lorsqu'il s'agit de sauter le pas, nous disent « Ah non, on va quand même rester dans la zone euro, parce que ça, c'est quand même pas mal ». Donc, l'Europe existe, le marché unique existe, Erasmus existe, nos jeunes vont dans les universités européennes et réciproquement, et même dans la pandémie, on a dit que chaque pays tirait de son côté, mais pour une bonne raison, c'est que l'Europe n'a pas de compétences en matière de santé. Et elle est quand même parvenue à harmoniser un certain nombre de décisions, et en particulier à harmoniser ses positions sur la recherche du vaccin. Donc vous voyez qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et considérer que l'Europe est un échec. L'Europe existe. Il faut aller plus loin. Et pour la raison que je vous ai dite, j'avais suggéré, lorsque j'étais candidat à la primaire de la droite et du centre, une grande conférence des consciences européennes. Parce que c'est là-dessus qu'il faudrait d'abord se mettre d'accord. Est-ce que oui ou non, nous avons des valeurs communes? Moi, j'ai tendance à répondre oui. Elles sont inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l'Europe, qui fait partie des traités européens, que nous avons inscrits dans les traités, qui est un très beau texte, dans lequel on retrouve beaucoup de valeurs républicaines qui sont les nôtres. Mais est-ce qu'on les partage encore aujourd'hui? Je crois qu'il faut se poser cette question. Si certains, malheureusement, ne les partagent pas, voilà, il faudra en tirer les leçons. On n'accède pas à la magistrature suprême sans une volonté tenace, constante d'y parvenir, ni l'intime conviction chevillée au corps du destin qui nous y conduit. Ces mots, ce sont ceux de Jacques Chirac. Alain Juppé, depuis longtemps, parmi vos adversaires politiques, comme parmi vos partisans, on vous a reconnu une stature de président de la République. Si vous avouez vous dire souvent que vous n'étiez pas dévoré d'une ambition telle que la définissait Jacques Chirac, à la question « Aviez-vous vraiment envie de devenir président de la République ?», vous écrivez que vous réservez votre réponse pour le temps où vous aurez le goût d'un exercice d'introspection, en ajoutant « Ce n'est pas demain la veille ». Donc laissons de côté la question du désir, de l'ambition. Accéder à la fonction suprême, ne serait-ce pas avant tout affaire de circonstances? Je pourrais dire que je commence mon introspection ce soir et que la réponse à la question est plutôt oui. Oui, bien sûr que j'ai eu envie. Je n'aurais pas fait ce que j'ai fait tout au long de mes 40 ans de vie politique si ce n'était pas pour accéder à la dernière marche. Et j'ai fait une campagne pour la primaire en 2016 qui m'a laissé un souvenir formidable. J'ai sillonné la France, les 100 départements, la France d'outre-mer, j'ai rencontré des milliers de gens. C'était absolument passionnant. Alors, certains pensent à ça même en se rasant le matin. C'est vrai que quand je me rase le matin, je pense à me raser. Donc, je suis peut-être pas obsédé à ce point-là. C'est peut-être une faiblesse de mon tempérament. Mais je me suis battu pour y parvenir. Et je pense qu'il faut effectivement le désir, l'envie, parce que c'est une tâche redoutable. Certains de mes amis me disent « T'as bien de la chance de ne pas avoir gagné la primaire ». Vous écrivez, Alain Juppé, « L'expérience m'a convaincu que chez un homme ou chez une femme politique, la solidité de la colonne vertébrale n'est pas fonction du positionnement sur l'échiquier des partis. Selon vous, de quoi doit être faite la colonne vertébrale d'un homme ou d'une femme politique pour être capable et digne d'exercer le pouvoir? Qu'est-ce qui peut lui apporter cette solidité qui transcende les clivages politiques ?» Oui, j'ai écrit cela en pensant à mes amis centristes dont on dit souvent que voilà, il manque un petit peu de volonté. Cette vertu de modération que j'évoquais, elle est parfois dénigrée en France. Un modéré, c'est parfois un mou. Mais moi, je soutiens la thèse exactement contraire. Montesquieu montre bien que la facilité, c'est d'aller aux extrêmes. C'est plus facile d'être fanatique que d'être équilibré. Au contraire, la modération est une discipline qu'on s'impose et qui consiste à peser le pour et le contre, à essayer de chercher la voie droite entre des préoccupations qui sont parfois contradictoires. C'est une exigence et une assaise. Alors ensuite, dans l'art de gouverner, bien entendu, c'est un art de tous les jours et il faut concilier, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, je crois, l'écoute et la décision. Aujourd'hui, il faut écouter nos concitoyens. Mais ils attendent aussi parfois du chef, entre guillemets, même si ce mot a une mauvaise connotation. Pourquoi, d'ailleurs, on se le demande, il faut des chefs. Ils attendent du chef aussi qu'il chef, je ne sais plus qui a dit ça, qu'il prenne des décisions. Voilà, c'est ça aussi l'autorité. Il y a un moment où, après avoir écouté, il faut être capable de prendre des décisions acceptées, bien sûr. On ne peut pas aller à l'encontre en permanence. Parfois, il faut aller à l'encontre du sentiment dominant. Aujourd'hui, pour un exemple, la majorité des Français sont pour le rétablissement de la peine de mort. Eh bien, je crois qu'il est de la responsabilité d'un certain nombre d'hommes politiques républicains de dire non. On le fera pas pour des raisons éthiques qui prévalent sur les considérations d'actualité. Vous voyez, donc c'est ce mélange compliqué d'écoute, de proximité, de décision, d'autorité naturelle, qui fait le bon gouvernant. C'est pour ça qu'il y en a peu. Après un parcours comme le vôtre, quand vous jetez aujourd'hui un coup d'œil dans le rétroviseur, quels sont les sentiments qui dominent ? J'étais heureux d'avoir fait ce que j'ai fait. J'ai connu des succès, j'ai connu des échecs. C'est le lot de toute vie politique. Je ne suis pas arrivé tout à fait à la dernière marche, comme je l'ai dit. Mais voilà, ça m'a apporté beaucoup dans mes fonctions locales. J'ai été élu pendant 12 ans à Paris, dans un 18e arrondissement qui était à lui seul un microcosme. Et puis, près d'un quart de siècle à Bordeaux, où j'ai la fierté d'avoir transformer la ville, je crois, avec mes équipes, bien sûr, pas tout seul. Voilà. Et puis l'action au gouvernement, où nous avons fait aussi beaucoup de choses entre 93 et 95. J'ai beaucoup aimé être ministre des Affaires étrangères avec François Mitterrand, ou bien avec Sarkozy aussi, puisque je l'ai été pendant un an et demi environ. Donc voilà, je me dis que j'ai pas trop mal servi mon pays, même si je ne suis pas arrivé parfois à convaincre tout le monde. Merci beaucoup Alain Juppé. Merci à vous de m'avoir donné le temps de m'exprimer. Ça aussi, c'est une denrée rare à la radio. Nous allons écouter les archives qui composent cette nuit autour du thème « Gouverner ». Dans un instant, les deux premières des 19 leçons intitulées « Théorie sociologique des démocraties, aspects politiques des sociétés modernes » données à la Sorbonne par Raymond Aron, première diffusion en 1957 sur Radio Sorbonne. « Le prince de Machiavel », troisième d'une série des nouveaux chemins de la connaissance qu'Adèle Vendrette consacrait à l'art de gouverner en 2012. Question des Le bien commun, Richelieu par Antoine Garapon en 2008, Thomas Hobbes et John Locke, dixième épisode de la série de 20, une histoire de la raison par François Châtelet, proposé par Émile Noël en 1992, Memento pour une année folle, tout d'abord Gorbatchev et les glaces de la glasnost avec Hélène Carrère d'Encausse, suivi de Les dissidents au pouvoir, Lech Walesa, Vaclav Havel, deux émissions de Pascal Werner, diffusées la première fois durant l'été 1990. Puis, Berlusconi a-t-il provincialisé l'Italie par Julie Clarini et Brice Couturier dans Du grain à moudre en 2010. Et enfin, Ainsi va le monde, historique de la constitution de la 4e République par Samy Simon, Pierre Desgroupes, Georges de Caunes et Henri Sadorge. Première diffusion le 27 décembre 1946 sur la chaîne nationale. Je retrouverai les auditeurs dans un peu plus de 6 heures, juste avant la fin de cette nuit. Alain Juppé, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous venez de faire paraître aux éditions Talendier Mon Chirac, une amitié singulière. La nuit d'archives gouvernée se poursuit sur France Culture.